Si tu veux me quitter, tu sais. Mauvaise nouvelle. En ce 24 février, sans toi, je n'ai c'est notre plus dernière rien. Rencontre je avec Pierre faire ma valise et dire adieu à mes copains. Je vais prendre ce train demain matin. Oui, je m'en vais. Nous allons nous retrouver, discuter encore de belles choses. Mais aujourd'hui, ne faisons pas attention, madame, mademoiselle. Je n'ai pas de billet, monsieur, je suis un vagabond. Ce 24 février, je ne peux pas vous payer, n'allons pas trop loin. Mais dans ce wagon de ciment, laissez-moi donc rester. Ici et maintenant, et comme disait un. Ah oui, c'est vrai, lorsque j'étais étudiant, oui, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Professeur. Lors de notre première rencontre, devant la classe, a écrit Monsieur le chef de guerre, quel est le nom de ce pays ? Elle est bien loin le jour où mon voyage sera toujours fini. Déjà elle est très loin la ville où sont mes amours et ma vie. C'est être toujours et je dois déjà rouler là. Le jour et la nuit, oui, je m'en vais. Donc là, je suis oui, ici devant vous. Très loin là-bas, m'attend la fin de mes ennuis. Et je m'en vais. Les bonnes partitions, les bonnes structures, les bonnes articulations passeront à la radio. Bon, ça va durer 50 secondes. Oh, t'es drôle. Juste la musique. Donc, ça va durer 56 minutes. Puisque uniquement la chanson, les chansons de Pierre Fort seront diffusées. Parce qu'il y a là de l'intelligence. Donc, vraiment, toi, mon petit champion. On pleure depuis des années. Mais dans ce 24 février, vivons l'instant présent parce que du moment que c'était. Vivons l'instant présent. Car, à ce moment précis, nous sommes là. Sur votre, vous avez syntonisé CKRL de 89 au Québec. Et moi, sur CKRL, donc, remarquez-vous, même sur Henri, l'interrelation qui n'est pas unidirectionnelle, c'est bidirectionnelle. Ça, c'est un grand ciel, bleu ciel, ça, c'est du vent. On peut même qui chanter décoiffe. Ensemble tout à l'heure. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mon plein air te donne soif de la vie et de son sel. Monte le volume et une espérance. Je t'ai réouvert les yeux sur des détails merveilleux. Une brindille, une bestiole, la grenouille de Butterfly Bowl. Enregistré. Je suis ta chlorophylle, je suis ta sunny afternoon. Voudrais-tu que je me faufile dans ta valise en cartoon? Je suis la forêt, l'ombrage, où viennent pousser tes pensées. Le bois des pianos de la plage, délicieusement déglingué. Les gens sont curieux. Je suis l'abricot, la pêche, un soir d'été à la fraîche. Une myrtille, une corolle. Le jour. Je suis ta chlorophylle, je suis ta sunny afternoon. Voudrais-tu que je me faufile dans ta valise en cartoon? Je suis ta chlorophylle, je suis ta sunny afternoon. Ce bonheur est-il futile? Est-ce que je te see you soon? Cueille-moi les fruits de l'arbre, les fruits de l'ombre. Cueillir c'est un peu comme se recueillir. Cueille-moi les fruits de l'arbre. fruits de l'ombre. Cueillir, c'est encore se recueillir. Cueille-moi. Elle était comédienne. Elle était sensuelle. Ça, ça fait-tu partie de... Oui, sensuelle. Elle était sexuelle. Petite sirène de Saint-Germain clandestine. Ce que nos filles deviennent. On a trouvé des sept. C'est bon. Mais est-ce que le francophile est... Bon, peut-être. Oh oui, moi, je vis la francophonie. Il y en a qui vivent leur vinaigrette. Oh, pour les gens qui ont... C'est pas pire. Pour les gens qui ont des références, là, vivre sa vinaigrette, allez voir sur Internet. Vivre sa vinaigrette. Vinaigrette, là, comme une vinaigrette à salade. Surtout, ne tombez pas dans le panier. Que l'on voit de l'espace. Moi, que ça pourrait être intéressant. Sur la tour qui dépasse, les oiseaux font la nuit d'hiver avec ce qu'ils ramassent. Là, ben, quand t'arrives là, hein, au bar, on te dit, mais là, faut consommer, mais ouais, un verre d'eau. Non, non, non, faut consommer, faut payer, pas acheter. Un train qui file sur l'onde du littoral. C'est des articles que l'on vend, là. Je vois passer des villes, des voiles. Oh, un bon verre de lait, un verre de lait. J'aimerais aussi avoir trois de sécurité pour tremper dans le verre de lait. T'es pas dans un centre, là. T'es des mini-dos. Oh, c'est quoi, c'est des mini-dos? C'est des mini-dos à l'antico. Mon attente sur la mer. Là, c'est l'ancêtre français. L'ancêtre français. Le matin qui passe. Un navire légendaire. Que l'on voit de l'espace. Faut traduire ça, c'est quoi? C'est une métaphore. Il y a pas de métaphore. Sur la tour qui dépasse. Le latin en moins latin. Il attend de comprendre, il comprend rien. Avec ce qu'il ramasse. Mais en tout cas, tu vas dans le bar. Tu veux même pas acheter d'alcool, là. On va oublier le lait, monsieur, là, parce qu'on voit bien que vous êtes arrêté. Quand vous êtes arrêté, vous stagnez. Qu'est-ce qui arrive? Vous usez le même coin du plancher. Vous faites n'importe quoi. Errez, tiens. Quand vous errez, vous revenez au même point. Et quand vous avez vu à quel endroit vous avez marché, que vous pouvez faire des allées-venues. Et puis, ce serait intéressant que quelqu'un, là, l'émission, je sais pas, de combien de fois on revient sous la main sur nous-mêmes? Si l'on reste en trace, elle se remet en mystère. Surtout s'il y a un grand terrain, je dis que si des allées, ben là, tu reviens, tu repars, tu repars. Alors vous êtes vous sentez bâton rompu. Un bâton rompu, ça c'est, écoute, ça va bien avec l'émission. Là, je suis très content de la chanson que je vais vous faire écouter avant d'annoncer mon ami Pierre Fauche. Je fais comme la projection de l'Occident. Mais j'ai un texte à vous lire. Principe que on ne va pas s'intéresser à ce qu'ils font. Puis sinon, vous, parce en que ce beau 24 février, ça va bien. Parce qu'il y a un démon votre comme vie? Moi qui, de temps en temps, va aller chercher leurs albums à Tokyo, tu comprends? Votre semaine. Et c'est vrai que c'est rare, c'est vrai. Donc, je comprends. Votre début d'année. Pas découragé, c'est pas ça, mais qui part du principe qu'ils ne font pas d'efforts dans cette direction. Content quand on a couché, quand on s'est couché sur le mois de février. Il dit non, il y a plein de choses. Parce qu'avant, là, le mois de janvier, tout le mois de janvier, là, on se fait souhaiter bonne année. Ah, je ne voulais pas le dire, bonne année. À un moment donné, au mois de février, on arrête, là. Effectivement, tu vas trouver des parfois un culture. On devient des incontinents verbaux, comme... Tu sais, t'as appelé ton père japonais, toi, tu vas pouvoir aller le chercher. Un incontinent, tu vois ce que je veux dire? Le traducteur, il n'arrive pas à traduire. Verbaux. Mais comment tu... Si tu ne vas vers pas y arriver chemin, par hasard, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ok. Marche, Marita. Oui, si tu connais le nom, l'artiste et le titre. Non, mais si tu l'as label, tu peux... Ouais, avec si tu tapes label scolaire, là, maintenant, tu vas trouver des choses. Eux, c'est, on va dire, c'est les plus ouverts. Et tente d'imiter le papillon. Mais il y a plein de petits... Mais... Alors, c'est vraiment des micro-labels, c'est-à-dire c'est des gens qui font des éditions. Malheureusement. 100 exemplaires. On ne peut pas refaire la nature. Tu vois, de cassettes. Elle se pose innocemment sur une fleur. Pour un certain genre musical, pour ce genre de 145 kilos sur une fleur. Des gens qui font des choses très très belles, dans le genre très poétique, vraiment personnel, qui sont pas juste. C'est de la belle. Que, tu vois, pendant des heures, qui arrivent à vraiment. Quoi que ça peut être dire c'est aussi. Un bel atterrissage. Non, j'allais dire plein de choses, mais je veux pas non plus être trop dur avec cette dame là que j'adore. Apparemment simple, ont une belle personnalité. Écrasé sur cette fleur, parce que le mot écrasé, c'est pas pire. Hein, c'est, on n'a pas trop cherché. On n'a pas trouvé de synonyme le plus réel qu'écrasé. Bonjour. Piqué du nez, non, parce que c'est les fesses qui ont touché avant. Une étrangeté. Voilà, c'est pas le nez. Je sais pas pourquoi on dit piqué du nez. Pas compliqué, c'est parce que c'est la tête qui a écrasé avant le reste. De ce projet-là, donc c'est qui a atterri avant le reste. Toute cette année, là, je suis dans la création de ces deux choses-là. C'est-à-dire mon album donc là, de chansons devant hip-hop, cette fleur, et puis l'album avec Cotin, le projet avec Cotin. Cette abeille. Ça, c'est l'actualité du moment. Puis il y a l'album d'Elsa Kopp qui va sortir. Dis-le. On va travailler sur ça. Mais ça, pour moi, c'est fait. Voilà. Ça, pour moi, c'est terminé, c'est fait. Et c'est ton voyage à chercher, avec le à crier. Où es-tu, mon prince désarmant? Écoute, je te souhaite. Mais là, le prince n'était pas là. Parce que c'était pas. Ouais, avec l'heure. Bon plaisir. Mais c'était à Paris. Tu sais, il y a des heures pour rencontrer du monde. Là, quand tu pointes là à 2 heures du matin, tu risques de te retrouver seul. Si je suis là, ce sera avec joie. Peut-être même dans le panier à salade. La fille, elle vit dans la chimère. Elle n'est pas mère, là, mais. Elle vit dans sa tête. Je fais ce que je peux. Oui, c'est ça. Mais plus. Mais ça à venir. Un lieu plus physique. Merci, toujours dans un bar. C'est elle qui a embarqué avec moi dans le panier à salade. Pas juste moi, là, ben des autres. Je vais appeler Igon, je vais voir ce qu'il fabrique. Merci. Parce que ce bar, là. Tu peux lui donner mon numéro de scène. Oui, ben il y a une suite à ça. Parfait. Hey, merci. Bonne journée. Servait de rencontre intime. De rien, on va servir. J'espère que ça te plaira. L'alibi premier, c'est tu vas voir. Et après, il y avait un rideau. Moi, je ne savais pas, mais j'avais bien vu le rideau. Je pensais qu'il y avait des drinks en arrière. Tu sais, de la boîte. On allait chercher le surplus pour alimenter le devant. Donc, en arrière de ça, il y avait un autre bar. Non. Là, tu pouvais arriver avec ta copine, ton copain. Et c'était échanger. Tu pouvais l'échanger. La fille pouvait échanger son chum. Oui, bien, écoute, j'ai besoin de 4 minutes d'air. Je vais vous le laisser. Gardez-le parce qu'il n'est plus à garantie. Ça m'intéresse plus, cette affaire-là. Ça fait pas à manger. Ça c'est pas. Ça, oui, ça se répand sur le fauteuil. Puis, si vous voulez qu'il soit tranquille, vous lui donnez un câbleau sélecteur. Il sélectionne n'importe quoi. C'est un imbécile. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde. Il est heureux de même. Puis, oui, de plus en plus, il va prendre de la place. Parce qu'il bouge, il engraisse. Hein. Alors, vous lui donnez des croustilles, boisson gazeuse. Si vous voulez avoir une petite discussion, là, de la bière. Je sais que t'aimes pas ça, les photos. Après 2-3 bières, il va vous parler ça, vous pleurez ça, il va brailler. Oh mon Dieu, il va te parler de son enfance. Ça, c'est une enfance fictive. C'est comme son père est avocat, sa mère était notaire, et lui, c'est un bon rien. Oui. Il se fait vivre par ces deux personnes-là, des élites. Alors, il y a aussi beaucoup, j'ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses dans ces textes. Lui, ben, il cogite. Il reste là. Puis il est bien heureux d'être. Okay. Okay. Moi, je vous le laisse. Là. Puis les 4 nœuds, ben, c'est. Ouais, installé. Posé, installé, balancé. Si vous voulez me le balancer par la fenêtre, puis ça me dérange pas, mais pas les 4 nœuds d'hiver sont plus importants. Fait que là, tu sais, t'arrives avec ton épouse. Et tu te fais comme ça, je reste avec nous. que deux. Ben oui. Là, t'en veux combien? Ben, je sais pas, j'ai pris pas mal de drinks. Oui, c'est ça, donc, j'en vois cinq. Oh, c'est fait peur. Non, cinq, là, on va manger. Là. Oui, parce qu'on est passé. Faut arrêter. laisser la collectivité. Par la bouche de mes canons. C'est même pas lui qui parlait, c'est ses canons. Les boules, en plus, c'est même pas ses canons, c'est les boules qui parlaient. Il s'est mal prononcé là-dessus. Moi, j'aurais dit, je vous parlerai par mes boules. Parce que là, déjà là, on sait pas c'est quoi, là, les boules, quelles boules? D'un vol de pétain? T'as un gars qui s'adonne à faire des boules de neige à les tirer. On les laisse dans l'ignorance. Comme ça, là, ils vont chercher comme des épées. Là. On les envoie pas, non, on les connaît les épées. C'est toujours les mêmes, heureusement. Là, il y en a des pervers qui cherchent les boules partout. Là. Hey, sont où les boules? Sont où les boules? Ça peut devenir une chanson comme sont où les filles? Là, ça, sont où les boules? Les promesses de mes amours s'iront. Je vous parlerai par les boules. Là, l'intérêt pour ce garçon-là, c'est de vous dire qu'elles sont des boules. Qu'il rend aveugle et sourd. On a beau faire, on y revient quand même. On a beau penser, fuyons au secours. Fuyons au secours. Fuyons au secours. Je laisse en paix les écorces des chênes. Je me méfie des grands mots, des discours. Avec le temps, je me souviens à peine d'avoir pleuré plus souvent qu'un tour. Et je place ma lunette, mais mes lunettes plus souvent qu'à mon tour. T'approches, là, il y a une boule, il y a une boule. Non, moi, c'est dit. Plus souvent qu'à mon tour. Pour une fois, je suis traditionnel là-dessus, oui. Parce que j'essaie de la lunette crémeuse. Traditionnelle, la crémeuse, ça me coule partout sur le visage. J'ai l'écartement ancien, il revient toujours là, dans mon jeu. Une vierge Marie. L'amoureux. Sointe. Saint de l'histoire ancienne, c'est une place que demain, il faut venir. Les gens disent, oh, j'ai de miracles, soin de la crèmeuse, l'écartement ancien, il revient toujours là, dans mon jeu. Faut pas manger sa lunette, parce que c'est très, très nocif. Saint de l'histoire ancienne, laissez-moi un avenir merveilleux. Graines, on appelait ça des doubles foyers à l'époque. C'est pas d'hier, c'est de vase selon terre. Elle a froissé du nylon, du velours. Pas mal de siècles et de petites semaines. Tu la frotteras bien pour moi un jour. C'est ça, exact, tu as des raisons. Alors je vais allez. Pour moi un jour. Pour moi un jour. L'amoureux, j'ai l'écartement ancien, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, c'est mon avenir merveilleux. L'amoureux, j'ai l'écartement ancien, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, c'est mon avenir merveilleux. L'amoureux, j'ai l'écartement ancien, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, passé, présent, futur, passé, présent, futur, si tu veux. C'est beau, là, mais c'est parce que tu t'es arrêté souvent. T'as même réfléchi à haute voix. Puis ça a donné comme une teneur d'étrangeté. Là, je sais que tu vas vouloir la répéter. T'aimes ça répéter. Tu fais pas comme le disait le chanteur, auteur, compositeur, interprète, cinéaste, vidéaste, poète. Si même si tu te trompes, tu continues. Sur des fonds de plage, souriant. Un peu flou, nous aurons du ciel bleu. C'est ton émission. Et la force de l'âge, encorchée au genou. Dommage, dommage, que ce ne soit pas ensemble. Dommage, dommage, peut-être il me ressemble, mais ne dis rien du tout. Laisserons des messages de silence entre nous. Nous serons amoureux, allant à l'abordage, la bouche sur le cou. Dommage, dommage, que ça ne soit pas ensemble. Dommage, dommage, peut-être il me ressemble. Même la monnaie. Nous chanterons un peu comme un oiseau en cage. C'est chanter malgré tout. Nous serons vivre vieux. Peut-être il me ressemble, je répète, mais ne dis rien du tout. Délirez-nous du mal. Nous serons si heureux. Et le délire. souhaite longue notre vie errante. Et je me souhaite aussi d'avoir beaucoup plus de personnes qui m'embrassent, en fait, qui embrassent l'émission pour moi, qui embrassent l'émission. Demain matin. Parlez-en. Et comme je le dis souvent, les renseignements, c'est comme ça que ça se juste pour nous. On le fait, mais des aussi clair. Tu sais, on l'écoute, mais comme tu veux. Ça change. Oh, y'a soumis mon idéographe. Comme la neige tombée, ben, hey, nous irons cueillir le romarin. Parti. Imagine, ça l'écoute une émission aussi. Par les jardins verts, tendre lieu qu'ils seront tendres désynchronisé. Pour nous. Bon, désynchronisé. Les jardins verts. Il vient de lancer désynchronisé. Désynchronisé. Une émission désynchronisée. Non, bon. Le synchronisme n'est pas présent pendant au moins 120 minutes. On se le souhaite. Tentation. Un autre texte, très très rapide. On ne peut pas toujours avoir tout cuit dans la mouche. Noir et bleu. On ne peut pas toujours avoir tout cuit dans la mouche. Sans feu. C'est de votre imagination. Toutes ces choses-là, c'est titillement l'esprit. Mon amour, mon âme. C'est vrai. Nous irons sans bruit. Nous irons bien. Moi je me fais du cinéma. Un qui aurait l'ombre portée sur nos heures blanches. Je dirais juste laissez-nous. Cinéma. Et amoureux. Je t'emmène au cinéma. Dans tes yeux. Je vous présente. Chers amis, si. Deux amis. Si je vous. Ritsky Belkazan. Si je vous ai bien compris. Et Brigitte Fontaine. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois. Patrie, patrie, patrie.

cinéma. Monsieur le Président, c'était pas mal, Brigitte Fontaine, puis son ami, son acolyte, son amoureux, son homme, Belkacem, Risky, Brigitte. 1977. Hey, ça, si c'est pas quelque chose de surréaliste et d'intéressant, puisque du surréalisme, on s'accroche à la réalité, on repart dans le surréalisme, on revient à... Ça me fait penser à que moi, ça m'amène, ça me titille, là. Je vois des émissions qui fonctionnent ainsi. Oh, non, c'est laquelle, madame? Tout le monde chante. Donc, Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Attention, Facebook, je l'ai raté la semaine dernière. Mais là, je l'ai pratiqué pour être nickel. Nickel? Oui, nickel. Nickel ni soumis. Oh! Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, moi-même, Rénald de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 24 février, je suis en pleurs car c'est ma dernière discussion avec Pierre Fasse ce soir. Mais, comme je vous le mentionnais, je vais le revoir au mois de juillet et je lui consacre un micro d'une matinée. Donc, on va parler 4-5 heures, 3-4 heures, 2h30, 1 heure, 5 minutes, 5 minutes, 3 quarts. En tout cas, assez longtemps pour faire plusieurs émissions avec cet homme cultivé, intéressant. Alors aujourd'hui, le vendredi 24 février, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes J'ai glissé sur une pleure de banane. Madame, j'ai plissé la pleure, madame. Mais en fait, c'est mon pied qui a plissé la pleure. Mon talon a comme glissé, tombé, mouché le sol. Saigné, ambulance, hôpital, malade, mort. Non, mais c'est des images. C'est les mêmes. Oh yeah. C'est les mêmes. Moi, je viens de payer. C'est les mêmes. Oh. La droite a monté. Malheureusement, comme d'habitude, la droite monte. Trop souvent à mon goût. Laissons, comme disait mon amie Brigitte, lorsqu'elle parlait de la droite. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une structure, même pas une, non, c'est pas une structure, dans une envolée narrative, unissons-nous autour de mon ami Pierre Fa, qui écrit, compose et arrange les chansons de son groupe Pepper Moon et également ça donne à sa carrière personnelle. Donc, tout ce qui suivra après mon micro, c'est du Pierre Fa, 100%. Donc, merci d'avoir été là avec moi, mon Pierre, pendant ces trois semaines. C'est-à-dire le 10, le 17, le 24, bingo! Pierre, tu es avec nous sur CKRL, l'auteur, compositeur, interprète, arrangeur, le plus gagnant qu'il soit. La preuve.

En tout cas. Alors, tu me parlais du... Ouais, le temps d'une chanson. Ouais, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a une petite qui s'appelle Clio, qui a sorti un premier album. Et... Clio tout court ? Clio, ouais. Comme la voiture. Bon, mais, elle a quand même une certaine grâce qui n'évoque pas l'automobile. Et une chanson qui s'appelle Éric Rohmer est mort. Elle était étudiante, tu sais, en cinéma, quand Éric Rohmer est décédé, puis c'était un peu le sujet de sa thèse et tout, et puis vraiment j'ai trouvé que c'était très très charmant sa manière d'aborder le sujet, parce que ça n'était pas une conférence, c'était pas Autain, c'était pas moi je connais ça et pas vous, enfin tu vois, c'était vraiment tendre et une invitation dans cet univers. À connaître. Voilà, une certaine manière, si tu veux, d'induire enfin, les gens sont bien disposés après cette chanson, je trouve, pour rentrer dans le monde de Rohmer. Tu dois aimer Rohmer. Oui, je suis pas connaisseur à fond, j'en ai vu quelques-uns, et ce que j'en ai vu me plaît. Je trouve pas ça. C'est marrant parce que les gens, souvent les détracteurs trouvent que c'est très artificiel, que ça parle trop, que c'est... Moi, ça m'a pas... Enfin, je vois ce qu'ils veulent dire, bien entendu, c'est pas un cinéma standard. Mais je trouve qu'il y a une vérité profonde dans ces films. C'est-à-dire qu'il y a une vérité du sentiment. C'est-à-dire que les personnages parlent comme on devrait toujours parler dans la vie, c'est-à-dire avec une transparence du sentiment, avec... Ils n'ont pas peur d'exprimer des émotions, d'exprimer des choses. Ils arrivent plus ou moins à le faire. Et je trouve qu'il y a toujours une vérité de l'émotion. Toujours, toujours, toujours. C'est pour moi, c'est pas du tout artificiel. Quoi. Et Clio est arrivé avec cette chanson-là Je trouve qu'elle en parle bien, oui. Je trouve qu'elle en parle bien. Je trouve surtout que c'est un cinéma, et donc un peu dans la chanson aussi, une grande, grande humanité. C'est-à-dire où le plus important, c'est l'être humain et ses sensations et sa vie intérieure. C'est beau quand même, c'est pas mal. C'est pas juste des hélicoptères qui explosent. Non, heureusement. Ouais, non, mais... Apocalypse Now, c'est bio. Tu vois, il y a de la place pour tout. Je veux dire, c'est comme on disait tout à l'heure, mais avec le genre de chanson, tu vois. Mais, et voilà, je trouve que pour moi, le cinéma d'Éric Rohmer, il a une vérité. Il exprime une vérité de l'être humain qui est, dont on a besoin. Puis sur quel est l'essentiel ? Sans flafla, sans... Oui, je sais pas. Peut-être il en a un petit peu des flafla, mais des fois, à travers ça, des fois, on arrive quand même à un essentiel. C'est pas incompatible. C'est-à-dire que des fois, tu vois, dans la mode, les gens utilisent des tissus, des fanfreluches, des machins. Ça peut paraître très superficiel, mais ils arrivent des fois à exprimer des choses profondes à travers ça. C'est pas forcément d'un côté la surface et de l'autre côté la profondeur. Il peut y avoir un dialogue entre les deux. En même temps, transgresser tout ça pour essayer d'arriver à rentrer dans... Ouais. Et Clio, j'ai bien aimé en chanson récemment, tu vois, donc les artistes qui font du bien, bah oui, comme cette chanson-là, elle m'a fait du bien à ce moment-là. Tu sais, on a parlé de David Bowie et de Prince, mais il y a quelqu'un quand même dont on devrait dire un petit mot, parce que c'était quelqu'un de très attachant, c'était Hubert Mounier, oui. De l'affaire Louis Trio, oui. Qui a écrit de très très très jolies chansons. Oui. Moi, j'avais beaucoup aimé l'affaire Louis Trio quand j'étais adolescent. Aussi. Et puis ensuite, ses albums très solo. Hein. Ça, c'était la partie la plus accrocheuse de son travail. Mobilis Immobile, j'adore ce morceau, toujours. Il est mort de quoi ? Je sais pas exactement, il est tombé par terre, tu vois, vraiment un truc soudain. Je sais pas dire rupture d'anévrisme, mais quelque chose comme ça, Ouais, 55 par là. Et il y a des très belles chansons à redécouvrir dans ses albums solo. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Une Fée. Et sur l'album Le Grand 8, c'est très délicat, c'est chouette. Voilà quelqu'un qui avait une voix aussi que j'envie, parce qu'il avait un velouté merveilleux dans les graves, quelque chose de très chaud, très confortable. Ah, vraiment, ça, je trouve que c'était... Que les gens souvent ont loué ses chansons, tu vois, on parlait de son, mais je trouve qu'il y avait une super voix, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais avec le groupe, il était aussi très swing. Sublime. Non, il avait une. Et puis, ça donnait la banane. Et puis en même temps, il était aussi dans la bande dessinée. Ouais, enfin, ouais. C'était un joli univers. Ouais, c'est vrai. Un vrai joli univers. Je l'ai croisé une ou deux fois et c'était. sans que ce soit absolument inoubliable, c'était toujours agréable. J'aime vraiment bien. Donc voilà, j'étais un petit peu triste quand même, parce que c'était un peu tôt, quoi. Tu vois, Et sa mort a passé quand même assez inaperçu. Oui et non. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas la même chose qu'une star internationale, hein, c'est évident. Mais les gens qui aiment la chanson ici, ouais, quand même. Bon, parce qu'il a laissé un bon souvenir à tout le monde. Mais c'est ça la musique, c'est de laisser la banane. Lorsqu'on écoute une chanson, on se sentir touché, mais aussi emporté. Oui, ça peut être tout ça, oui. Bon, tu sais, on a tous un mode d'emploi différent de la musique. C'est là aussi qu'il peut y avoir beaucoup de malentendus. C'est-à-dire que telle personne attend quelque chose qui l'énergise, et puis telle personne attend quelque chose qui la détende, qui la fasse rêver, et puis telle personne, au contraire, va vouloir quelque chose de très trash et très violent, parce que ça, c'est son défouloir. Et tout est vrai, tout est juste, tout est valable. Tout est valable. Faut trouver le chemin. Ce qui n'est pas valable, c'est de dire que l'autre a tort. Ah oui. Pour ça, en tout cas, dans ce domaine-là. Après, quand on entend des horreurs, on peut dire aux gens qu'ils ont tort. Mais dans le domaine de l'emploi de la musique, on va dire que toute personne qui n'essaye pas d'imposer ses goûts à moi, elle a raison, voilà, c'est tout. Pierre, alors, tu as des projets à venir, tu t'en vas là-bas dans quelques jours, avec quoi? Avec beaucoup d'espoir ou avec... aucune attente, avec la frénésie, avec l'énergie. J'y vais avec l'absolue nécessité de me dégager de triste actualité parisienne. Oui. Et donc le fait de me dire que j'ai presque, c'est comme si j'avais deux pays et qu'il y en a un où il n'y a pas les nuages qui obscurcissent le ciel ici. Mais crois-tu que pour chacun, et ça, écoute, je viens ici régulièrement, régulièrement chaque année, oui. On s'imagine que c'est meilleur, c'est plus ensoleillé ailleurs, c'est plus... C'est-à-dire, c'est pas que le pays est forcément plus ensoleillé en général, c'est juste que pour toi, il l'est, parce que dans cet endroit-là, tu es un peu dégagé de ta vie quotidienne. C'est parce que le Québécois qui vient après, bon, enfin, on va sortir un peu du marasme... dans lesquels le Québec se trouve pour arriver ici où ça respire. Et toi, tu pars d'ici à un endroit. Non, mais ça, c'est une actualité purement personnelle. Okay. C'est-à-dire que je ne parle pas de la vie politique française ou quoi. C'est de ta vie privée, de ta vie personnelle. Et donc, c'est bien d'avoir un ailleurs. Oui. D'avoir un ailleurs avec lequel tu as un rapport régulier. Donc, tu as le sentiment d'une installation comme une maison de vacances, tu sais, un endroit où tu sais que, bon, ben là. En général, ça va être plus tranquille, ça va quand même être une autre énergie. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est peut-être ce que tu peux ressentir quand tu viens ici. Et c'est quand même un autre environnement, d'autres visages, on mange d'autres choses. Donc ça, c'est... Je vais sûrement passer un moment après à Taipei aussi, on verra. Enfin bref. Secours, il y a une porte sans verrou. Dieu sait vers où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. C'est une porte qui me suit. On dirait qu'elle pousse comme une plante. Là où je vais, là où je vis, étrange et attirante. Une question. singe sans un seul mur autour. Est-ce que c'est un message, une sortie de secours? Il y a une porte sans verrou, tu sais vers où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. Il y a une porte sur la plage sans mobile apparent. Est-ce que c'est un passage pour la lumière et le vent? Il y a une porte sans verrou, Dieu sait vers où elle mène. Je remercie beaucoup le bon vent qui m'y amène. Sans mobile, un parent, est-ce que c'est un passage pour la lumière et le vent? Pour la lumière et le dans le bleu, dans le rouge, dans le terre de sienne, tellement de nuances entre le carmin net et le lac de Garance, de nos cicatrices, oh quelle étrange palette, quel feu d'artifice entre ta pluie et mon soleil qui passe, passe entre les gouttes. J'ai comme un doute. Arc-en-cielesque, ne serais-tu pas arc-en-cielesque comme moi? Arc-en-cielesque, ce regard posé à peine presque sur mes pas. Les jeunes gens sensibles savent trop bien la teinte des amours impossibles. Ils ont le radar pour les voir de très loin, sous le papier buvard ou le papier tournesol, dans le jaune orangé, le vert frais menthol. Vous désorientez, l'art du caméléon est une valeur montante. Entre ton sol et mon ciel se relie comme un passage magique, rêve et logique. Arc-en-cielesque, ne serais-tu pas arc-en-cielesque comme moi? Arc-en-cielesque, ce regard posé à peine presque sur mes pas. Dans lui sert de serre. Chester, Les choses semblent se dessiner vers le fait que je passe plus de temps là-bas, chaque année, tu vois, pas tout le temps, pas temps plein, mais que j'y passe plus de temps, oui. À chaque année, tu traces un sillon de plus en plus profond, mais en fait, je veux en venir à ça, est-ce que tu as envie de mieux en mieux, ou si c'est encore de plus un en plus petit peu. Non, mais c'est très léger, mais un petit peu, sensiblement. Je suis moi-même surpris des fois, tous les trimestres, quand je reçois la SACEM, je me dis « Ah ben tiens, je ne m'y attendais pas, tu sais. » Mais finalement, comme je pense avoir fait un certain nombre de choses et qu'elles ont voyagé, alors petitement, tu vois, gentiment, discrètement, mais bon an, mal an, le fil de tout ça réuni n'est pas négligeable. Enfin, ça représente, je ne pourrais pas en vivre à 100%, mais ce n'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais ça convient, pour le moment. Écoute, je ne serais pas contre un petit peu plus d'audience en France. Pourquoi ? Ce n'est pas pour faire Bercy, pour avoir des rêves de gloire, je m'en fous complètement. C'est simplement parce que j'ai vraiment le sentiment prolongé, durable, qu'il y a une partie de public qui pourrait tout à fait être réceptive à différentes choses que j'ai proposées, Elsa Kopf notamment. Et qui n'ont peut-être pas été exposés encore à ça. Donc je me dis, ben là, il faut que j'insiste un peu, il ne faut pas que je lâche le morceau, il faut que simplement ça trouve son public. Et je n'ai peut-être pas rencontré, tu vois, le bon relais, la bonne personne qui fait que, comme on l'a eu parfois à Taïwan, tu sais, le mec de Maison 10 qui dit, d'accord, je vois ce qu'il faut faire. Pour trouver ce public-là, je sais où il est, je sais quels sont les outils, tu vois, pour l'atteindre. C'est quand même intéressant de savoir que tu connais le milieu assez bien pour trouver le créneau. Ben, il y a des professionnels de ça. Moi, je le sais. C'est vraiment des professionnels. Il y a des trucs, tu peux pas faire l'économie d'avoir quelqu'un qui a une spécialité comme ça. C'est comme un attaché de presse radio. Ben oui, il passe sa vie à appeler des médias. Tu peux pas être attaché de presse radio quand tu es artiste. Tu peux pas tout faire. C'est pas possible. Tu peux faire certaines choses. On en fait de plus en plus. Mais tu peux pas tout faire. Donc c'est important d'avoir des gens autour de soi. Mais les bons, quoi. Pas non plus n'importe qui, n'importe comment. Avoir des gens qui comprennent vraiment ce que tu as à dire, comprennent vraiment la couleur, la petite vibration spéciale de la musique, et qui vont savoir la porter. Et la tienne aussi, c'est ça, la vibration de l'artiste. Éventuellement, ça c'est le bonus, mais déjà, s'ils savent bien rendre la musique, déjà, c'est ce qui compte en premier. Voilà, donc ça, j'ai quand même envie d'arriver à me dire qu'on n'a pas raté complètement la France, tu vois, au moins, ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Et donc il faut que je trouve peut-être plus d'interlocuteurs ici. Ça c'est bien, c'est, sur le plan purement du métier, c'est ça. Mais tout ça, finalement, n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans la création. Et là, j'y suis. Donc, il y a un album l'an prochain qui sera sûrement un double. Parce que j'ai eu une avalanche de chansons qui me sont tombées dessus. Ça les fait, ouais. Et que je trouve assez varié pour justifier ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de redites. Puis j'avais deux, et aussi j'avais deux très chouettes trucs, il me semble en tout cas, deux morceaux vraiment intéressants de conclusion. Je me suis dit, que faire alors? Il va falloir que je fasse un album et puis un autre et tout. Ou alors si je fais un double, je peux avoir les deux morceaux de conclusion même, tu vois. Alors, à la fin, deux titres que tu vois que la boucle est... Oui, c'est ça. Et que je trouve bien dans une structure d'album, je trouve bien à la fin, bref. Et donc je vais sûrement faire ça, je pense que je suis en chemin de le faire, là, ça avance très très bien dans cette direction-là, sûrement pour janvier 2017. Et je fais beaucoup de choses moi-même, je vais presque le faire entièrement tout seul, celui-là, bon, avec des musiciens, tu vois, avec guitariste, bassiste, avec quelques musiciens, mais vraiment que je drive, pardon c'est pour l'anglicisme, de A à Z. Et que tu gouvernes. Que je gouverne de A à Z, c'est plus joli en plus. Pour celui-là, quoi. Et par contre, j'ai un projet, alors là, beaucoup plus en partage, avec un musicien à Kyoto. C'est pour ça que je retourne au Japon, avec un garçon qui s'appelle Kota, K-O-T-A, qui fait de la musique électronique expérimentale. Ah, j'adore ça. Qui est très ambient, planante, oui, vraiment, il traficote des sons. Enfin, on dirait finalement des petits sons d'insectes. Qui aurait fait une petite civilisation dans un piano. Enfin, tu vois, c'est très. Est-ce que tu connais le groupe québécois Acouphène? Non plus. Ah. Tu vois, t'as plein de choses à m'envoyer. Non, ouais, mais c'est. Oui, exactement. Mais ça, c'est très underground, Acouphène. Ouais. OK. Et avec Kota, donc, on est en train de faire petit à petit par Internet des morceaux très longs, très lents, très, très planants, tu vois, qui font 6-7 minutes, où il ne se passe pas énormément de choses musicalement. Des places. Voilà, où il y a beaucoup plus d'espace que dans ce que je fais moi tout seul. Et où il y a de c'est la. Clavier ou. Il y a un peu des deux, il y a clavier guitare. Il y a du clavier et de la guitare. Et puis du traficotage, tu vois, du bidouillage. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui reprennent l'œuvre de John Cale sans dire que c'est du John Cale, mais. Ouais. Qui laisse le côté atmosphérique encore planer. Non, mais il a, je pense que ça, il le connaît vraiment bien. Je pense qu'il a aussi eu le bénéfice de toute une école de musique électro-japonaise qui part un peu de Yellow Magic Orchestra, de Sakamoto, et puis qui a traversé avec Cornelius. Et puis maintenant, il y a tout un label, il y en a plusieurs, mais il y a un label qui s'appelle Scholle. S-C-H-O-L-E, où tu as beaucoup de musiciens. En fait, moi, j'ai découvert ces albums-là là-bas. On les trouve pas beaucoup en France. Sur Internet, on peut tout trouver sur les curieux. Ben, ça dépend, parce que des fois, si tu veux, il y a une mentalité insulaire du Japon qui fait que tout n'est pas sur iTunes, par exemple, en l'international. Parce que le label n'est pas sur Internet? Si, on peut trouver, si tu veux, mais alors tu vas trouver un site tout en japonais, tu vas être content, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a une certaine insularité quand même qui reste. Parisienne, créature des cafés, vers la Madeleine, sa femme en décoiffée, quel bon vent t'amène, comme fée, comme reine, vers d'Asie des lointaines, vers la Seine, toute d'or griffée, parisienne, attirée par le vide, et les ciels de traîne, comme un été livide, à le bleu des veines, comme si dans mon veine, on prenait de la graine pour la peine, un peu plus lucide. C'est une indécise, mais ce n'est pas certain quoi qu'on en dise. Et dans le soir, elle vient te revoir, l'air de rien, l'air de rien. C'est une imprécise, un croquis au fusain pour expertise. Il y a de l'ombre bleue dans son regard fiévreux, et puis une éclaircie soudain dans le ciel gris, le ciel gris parisien.

regard d'avant-guerre. Basse, batterie, guitare. Les paroles, on verra plus tard. Tu dis ce que tu veux, mets les cheveux dans les yeux. Basse, batterie, guitare. On dirait des super pouvoirs. Une adolescence et son manque d'indulgence. Tu as fait un spectre sur un poster au mur. Vinyle collector, diamant sur la rainure. Phil Spector, en costume en rayure. Boîte à médiator, et la désinvolture. Basse, batterie, guitare. Utopie de tes soleils noirs. Donner l'impulsion, passer le mur du son. Tu as fait un spectre sur un poster au mur. Vinyl collector, diamant sur la rainure. Fait un spectre en costume en rayure. Boîte à médiator et la désinvolture. Basse, batterie, guitare. Sur un poster au mur, vinyl collector, diamant sur la rainure. Phil Spector, en costume en rayure, boîte à médiator, et la désinvolture. Phil Spector, et la désinvolture. Ce n'est pas aussi dérisoire, pas aussi facile que de vendre un missile. Si tu veux me quitter, tu sais plus rien ne me retient. Je n'ai plus d'argent, plus de maison, sans toi je n'ai plus rien. Je vais faire ma valise et dire adieu à mes copains. Je vais prendre ce train demain matin, oui je m'en vais. Oui je m'en vais. Oui je m'en vais chercher ma chance avec ce train. Monsieur le contrôleur, je sais je n'ai pas de billet. Je suis un vagabond et je ne peux pas vous payer. Mais dans ce wagon de ciment, laissez-moi donc rester. Je dois suivre ce train sans m'arrêter. Oui je m'en vais. Oui je m'en vais. Je m'en vais sans savoir où ce train va m'emmener. Monsieur le chef de gare, quel est le nom de ce pays? Il est bien loin le jour où mon voyage sera fini. Elle est très loin la ville où sont mes amours et ma vie. Et je dois rouler le jour et la nuit. Oui, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Très loin là-bas m'attend la fin de mes ennuis. Et je m'en vais. Je dis je m'en vais. Et je m'en vais. Et je m'en vais. Oui, je m'en vais. Je dis je m'en vais.

yeux verts. Le soir tes jeunes me disent que tu t'en iras faire l'oubli. Manhattan est sous la mer comme un amour qui passe, un navire légendaire que l'on voit de l'espace. Manhattan sous la mer, si l'on reste des traces, elles seront noyées d'un mystère si étranger te passe. Manhattan sous la mer, les oiseaux font leur nid d'hiver, je dis grand bien leur face. Pour tout, okay. Il y a des gens des fois qui par habitude du manque de curiosité de l'Occident partent du principe qu'on ne va pas s'intéresser à ce qu'ils font parce que c'est la réalité, parce qu'il y a un démon comme moi qui de temps en temps va aller chercher leurs albums à Tokyo, tu comprends, et c'est vrai que c'est rare, c'est vrai, donc je comprends qu'ils soient pas découragés, c'est pas ça, mais qu'ils partent du principe qu'ils font pas d'efforts dans cette direction puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Alors, du coup, il y a plein de choses formidables de la musique japonaise qu'on ne trouve pas si facilement que ça. Ou alors, il faut vraiment être guidé vers ça. Effectivement, tu vas trouver parfois un clip sur YouTube. Mais tu sais taper les caractères japonais, toi, tu vas pouvoir aller le chercher. Bon, ben voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais le traducteur, s'il n'arrive pas à traduire... Mais comment si tu ne vas pas y arriver par hasard, c'est ça que je veux dire, Rénal. Ok. C'est-à-dire que oui, si tu connais le nom de l'artiste et le titre... Non, bah mais oui, si tu as le label, tu peux... Ouais, avec si tu tapes label scolaire, là maintenant, ouais. Tu vas trouver des choses. Eux, on va dire, c'est les plus ouverts. Ok, parfait, au moins. Mais il y a plein de petits... Alors, c'est vraiment des micro-labels, c'est-à-dire c'est des gens qui font des éditions de 100 exemplaires, de tape, tu vois, de cassettes. Et il y a une mode qui revient de ça pour un certain genre musical, pour ce genre de musique ambiante atmosphérique. Et des gens qui font des choses très très belles, dans le genre très poétique, vraiment personnelles, qui ne sont pas juste du squeak, pendant des heures, qui arrivent à vraiment... Quoi que ça peut être bien aussi. Là. Ça peut être bien aussi, mais les gens vraiment qui ont quand une vision, comme un photographe peut avoir une vision, tu vois, que c'est, même en faisant quelque chose d'apparemment simple, ont beaucoup de personnalité. Et donc avec Kota, si tu veux, on est un petit peu dans ce langage-là, sauf qu'il y a du texte en français. Qu'il y a un texte en français avec bonjour, qu'il y a de la poésie et j'espère, et une étrangeté. Voilà, c'est notre jonction, c'est notre point de rencontre dans le ciel. Voilà. Et dans les mois à venir, de ce projet-là, donc tu Alors, je pense que toute cette année, là, je suis dans la création de ces deux choses-là. C'est-à-dire mon album de chansons plus pop, et puis l'album avec Kota, le projet avec Kota. Voilà, ça c'est l'actualité du moment. Puis il y a l'album d'Elsa Kopf qui va sortir à la rentrée, on va faire de la promotion, on va travailler sur ça. Et ça pour moi c'est fait, voilà, ça pour moi c'est terminé, c'est fait. Et c'est ton voyage à venir, là, avec le projet de création qui... Écoute, je te souhaite bonne chance, mon ami. On s'en reparle l'année prochaine. Ouais, avec grand plaisir. Mais c'était à Paris. C'était à Paris, on sait pas. Je sais pas, effectivement. Enfin, ça dépendra. On verra quand tu passes et si je suis là, ce sera avec joie. Première semaine du mois de juillet. Sinon, tu viens à Tokyo. Ouais, il faudrait que tu me traduises. Avec plaisir, je fais ce que je peux. Oui, c'est ça. Je ne parle pas encore couramment, mais ça commence à venir. Ah, mais Pierre, merci, tu es toujours aussi sympathique et on peut parler. Toi. Mais c'est l'ouverture que tu as sur la musique et ça me plaît tellement. Ça me plaît tellement. Ben, je vais appeler Igon, je vais voir ce qu'il fabrique. Merci. Hein? Merci. Tu peux lui donner mon numéro de scène. Ouais, d'accord. Ok, parfait. Hey, merci. Bonne journée. Et je paye tout ça, ça me fait plaisir. Puis merci pour l'album. Ben, de rien, j'espère. Écoute, que ça te plaira. Puis j'ai hâte d'écouter ton dernier double. Parce que le double, ça te voilà. Peur. C'est assez ambitieux. Hein. Et si tu travailles à double, quand tu vois double, tu vois au moins 20 titres. 24. Oh, merci. Est-ce que je peux prendre une photo? Non. Oh, si tu veux. Ok. Bah, prends-en deux, trois et puis on fera un tri comme ça. Bah, je ferai un tri. Ah, ouais. Ok, non, tu veux pas ? Si. Ok. Ah, il faut que je t'envoie du code léveillé. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, puis Acouphène aussi. Oui, Acouphène, oui. Tu connais pas, ça me surprend, Acouphène. Ouais, tu sais, il y a plein de choses que je connais pas. Hein. Moi, je suis pas. Et c'est quand même assez connu. Ah, ouais. Ouais. Après, j'ai pas les cheveux non plus. Ah, non, mais non, rien. J'essaie d'être un peu très présentable. Ouais, voilà. Ok, parfait. Il faut prendre plus. Merci. Je sais que t'aimes pas ça les photos. Hein. Bon, ça va. Et c'était pire l'année dernière. C'est pas les photos que j'aime pas, c'est des fois c'est ma tête. Parce que je fais des grimaces. Ben, moi aussi j'en fais, mais c'est volontaire. Moi. Ah ouais. C'est comme Alain Bachon, volontaire. Ah, et puis, très sympathique. Tu veux dire bonjour à Jean-Patrick de ma part. Oui. Et je suis. Il y a aussi beaucoup, j'ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses dans ces textes que j'aime. On s'en reparle en 2017. Ok. Merci. Maintenant les curieux t'attrouvent. Quedaron que l'amour c'est des chaînes. On a beau voir qu'il rend aveugle et sourd. On a beau faire, on y revient quand même. On a beau penser, fuyons en secours. Fuyons en secours. Fuyons en secours. Je laisse en paix les écorces des chênes. Je me méfie des grands mots, des discours. Avec le temps, je me souviens à peine d'avoir pleuré plus souvent qu'à mon tour. Plus souvent qu'à mon tour. Plus souvent qu'à mon tour. L'amoureux, j'ai les cartes anciennes, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, c'est mon avenir merveilleux. L'amoureux, j'ai les cartes anciennes, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, et c'est mon avenir merveilleux. C'est pas d'hier cette valse lointaine, elle a froissé du nylon, du velours. Pas mal de siècles et de petites semaines, tu la fredonneras bien pour moi un jour. Pour moi un jour. Pour moi un jour. Moi, l'amoureux, j'ai les cartes anciennes, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, et c'est mon avenir merveilleux. L'amoureux, j'ai les cartes anciennes, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, c'est de l'histoire ancienne, et c'est mon avenir merveilleux. L'amoureux, j'ai les cartes anciennes, il revient toujours là dans mon jeu. L'amoureux, passé, présent, futur, passé, présent, futur, si tu veux. Tout.